ghetto bitch. RSA, RMI, sont mes pires ennemis. Le salaire à Kennedy, Aoudou Bilal, non merci. Le négro est riche comme Omar Sy. Premier album écrit à Bodassi. C'est la banane comme Tobira. Skywalker dans le Coiba. On tranche pas dans le gars qui l'y va. Y'a que pour mes rocks, j'ai le gars qui bat. Tu veux le faire, j'en suis la preuve. 7-4-4, panique, y'aura. T'arrives en promenade, MX9. T'as mon pied nu comme Yannick Noir. J'suis à l'arc, ce hôtel à Zumba. Je jump Oscar de la Hoya. Ton nom n'y pense que la chuma. Balle dans la tête, j'ai pas de Cuba. Où le billing, c'est on est sous bois. Été, hiver, tout est noir. Je lis beaucoup trop peu de soif. Beaucoup de monsieur dans mes choix. Il nous demande y a-t-il un crime qu'on ait peur de commettre. Être disque de platine c'est mon fond de commerce. Sans de haineux sur le devant de la paire de converse. Tu es très décevant comme mes putains scolaires et ton entrée au top zéro. La plus grosse balance avant toi c'est ton cellulaire. Ce n'est que des victoires, pas le time qu'on les énumère. Dans ce rap game, niquer des mères ça me rémunère. Que mon zeppelin grave dans quelques fourgons cellulaires. Et les enfants de putain s'accumulèrent. J'baiserai ces négros à jamais, j'appartiens à l'OPSCUR. Que des banlieusards déterminés à mon séminaire. La naguère est personnalisée, carrière customisée comme le SLR. La joignée aux enfants, je veux dire. Quelques dizaines de carats sur l'auriculaire. Ils se regrettent dans la banque à jamais inarticulaire. Impressionnant tout l'argent qu'ils manipulèrent. Ma vision de ton futur sur terre est particulière. Y'a qu'en restant l'équipe que je ne serai plus titulaire. Encore quelques millions et je ne saurai plus qui tu es. On fait du business, il m'a comme elle est haute. Que Dieu me punisse d'être comme les autres.